Bien, alors bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc je suis à la fois le président de séance pour ma conférence et le président de séance pour après. Et je souhaitais donc évoquer avec vous un sujet qui est un sujet grave, un sujet scientifique partagé par de très nombreux chercheurs et surtout un sujet qui se prête justement à polliniser les disciplines entre elles puisque les sciences dures, l'histoire et la géographie par exemple, eh bien, se sont rencontrées sur ce sujet des vieilles et des nouvelles forêts. Alors je vais faire ici une conférence qui est une conférence pour le grand public, pour justement essayer de mesurer l'intérêt de ce questionnement, hein, vieille et nouvelle forêt. Vieille et nouvelle forêt, donc ceci relève de la relation au temps, bien entendu, mais aussi à la relation à l'écologie, aux cartes anciennes, aux paysages, et surtout, bien entendu, à l'économie, car de plus en plus, l'économie dicte aujourd'hui d'avoir des nouvelles forêts, autrement dit, des jeunes forêts. Alors, on va tout de suite passer donc à la deuxième image. Deuxième image, je rappelle qu'on est ici donc à l'abbaye des Curés, autrement dit dans un site qui est magnifique, puisque c'est un site proto-industriel qui aujourd'hui est valorisé par le département de la Meuse. Et c'est une bonne chose que d'y être venu, même si c'est relativement loin de tout. Alors, en préambule. Bien, en préambule, je rappellerai peut-être le mot de quelqu'un qui est du coin, puisqu'il est né ici, dans ce territoire, c'est Fernand Braudel, qui nous dit « Il n'y a de richesse forestière qu'incorporée à l'économie. La forêt ne vaut que si on l'utilise. » Donc, nécessairement, ceci relativise la place à accorder aux vieilles forêts. Et puis d'autre part, donc, peut-être une citation de Claire Bilaine, ici, médiéviste, qui nous dit en 2016 « La forêt est un univers de valeurs où l'économie et le symbolique s'entrecroisent ». Donc il est sûr que quand on confronte vieille et nouvelle forêt, on confronte ce qui relève de l'économie, ce qui relève des besoins en petit bois, ce qui relève des besoins de bois qui va servir à faire de l'emballage, du bois également de feu, des plaquettes, etc., du lamelé collé, mais aussi de tout ce qui relève de ce que partagent en général les citadins, c'est-à-dire l'imaginaire sur la forêt, le loup, hein, mais aussi les contes de notre enfance, etc. Bref, toutes les images de vieilles forêts que nous avons. On essaiera d'en donner une définition plus précise tout à l'heure. Ce qui signifie que lorsqu'on est entre vieilles et nouvelles forêts, on est nécessairement autour des questions de transition, des transitions qui se déclinent à tous les niveaux aujourd'hui, puisque nous nous préparons à des avenirs dont nous ne maîtrisons pas les données. Vieille et nouvelle forêt pose aussi la question du bilan carbone pour des non-scientifiques comme vous et moi, ou comme pour l'essentiel de cette salle. Et j'ai donné ici une définition donc, de Bob, qui était ingénieur forestier et qui était professeur à l'école forestière, donc, en 1889, hein, qui nous dit dès que les arbres sont regroupés en peuplement, on les voit perdre leur individualité pour concourir donc à une formation, hein, ce que l'on appelle la forêt. Et tout ceci est à replacer dans des préoccupations qui sont partagées par toutes. Je ne parle pas ici pour des spécialistes, qui sont en particulier le captage du CO2, qui sont aussi la transition énergétique, bref, des questions citoyennes que nos scientifiques savent décliner à un autre niveau. Je voudrais encore rappeler que derrière le couple vieille et nouvelle forêt se profilent bien entendu les inquiétudes climatiques que nous partageons. En particulier, moi qui suis jardinier, je vois mon jardin devenir sahélien 4 années de suite, ça m'inquiète beaucoup. Donc avec des étés souvent caniculaires, mais aussi, il faut bien se le rappeler, ce qui est vrai pour la Lorraine, c'est plutôt une océanisation du climat. Aujourd'hui, nous sommes plutôt dans cela. C'est ce que prouve cette grille de statistiques qui donne l'évolution du climat depuis une quarantaine d'années sur Neuchâtel. Et vous voyez qu'il y a moins de gel, moins de neige, moins de froid et plus d'humidité. Ce qui signifie qu'en année normale, nos tomates passent en général de la case verte à la case noire sans passer par la case rouge. On l'a tous constaté. « J'ai emprunté à un de mes collègues géographes qui avait fait un atlas des forêts, cette carte qui nous fait peur, qui nous inquiète, qui méritera d'être validée ou qui ne sera pas validée, et qui est donc la couverture forestière actuelle, la couverture forestière dans un siècle. Il faut aller vers des choses plus savantes que cela pour avoir la vérité sur le sujet. Alors réfléchir de façon globale sur le sylvosystème, autrement dit sur cette usine de fabrication que représente la forêt, une usine complexe, eh bien, c'est probablement discuter tout d'abord du mot forêt, puis de l'adjectif vieille, de l'adjectif nouvelle, et encore rapprocher tout ça des îlots de vieillissement, autrement dit d'un acte que tout propriétaire forestier aujourd'hui peut faire, retenir des arbres au-delà de la régénération, de l'âge de la régénération, maintenir quelques arbres de 200, 300 ans dans sa parcelle. Ça, à la limite, tout le monde peut le faire. Et puis, donc, une approche tout d'abord globale, qui se rapproche des questions de CO2. Et je donne la parole ici à Nathalie Breda, qui est DR à l'INRA, et qui nous disait il n'y a pas bien longtemps... qu'est-ce qu'elle nous disait ? Il faut accepter un compromis et trouver un équilibre entre une forêt qui stocke du CO2 et celle moins productive, moins vulnérable, plus résiliente. Je vous rappelle que le terme de résiliente est utilisé par les historiens, les géographes, les écologues, etc., d'une façon différente des psychanalystes qui, eux, parlent de cicatrisation de la tête, de l'esprit. Nous parlons de cicatrisation, en particulier du paysage. Derrière ces données, il y a aussi la question économique, car nous sommes nécessairement dans une filière qui est mondialisée. Jonathan Langlais vient de faire une très belle thèse sur la filière bois française. On ne peut pas dire faucon, etc. Il faut nécessairement tenir compte de cette filière bois pour évoluer. Et puis le troisième volet, c'est bien entendu le volet écosystémique, puisqu'il faut aussi essayer de préserver des habitats, en particulier lorsque les bestioles qui sont dans ces habitats sont des bestioles très à la mode ou très discrètes, comme le grand tétra, par exemple. Et puis, il faut aussi préserver donc, de la richesse patrimoniale. Alors, le patrimoine, pour beaucoup, ça peut être peut-être cette belle forge, ce beau géosystème industriel des curés. Mais le patrimoine, c'est aussi, par exemple, maintenir des stades d'ismul dans nos systèmes forestiers, autrement dit, des stades où les humus sont très anciens, se dégradent très lentement, etc. Tout ceci est une question de temps, de croisement des espaces et du temps. Et le temps, eh bien, on peut le mesurer avec cette petite flèche du temps que j'avais inventée il y a peut-être 25 ans maintenant, que vous retrouvez sur Internet un peu partout. Et puis surtout, lorsque vous étudiez la mémoire des sols, la mémoire des arbres, à partir de la dendrochronologie, autrement dit, lorsque vous regardez ces cernes de croissance. Alors, quel est l'itinéraire proposé pour cette conférence ? Après, ces prolégomènes qui sont une mise en bouche, si vous voulez, pour comprendre ce sujet. Itinéraire proposé, tout d'abord, une première partie sur les entrées en matière, une deuxième partie sur le sujet éclairé par des questions écologiques et écosystémiques, et surtout une troisième partie qui nous remet les pieds sur terre. Atterrissons, comme dit Bruno Latour, atterrissons. Il faut nécessairement avoir une forêt qui rémunère le travail des forestiers et une forêt qui se calque sur les besoins économiques. Or, ces besoins économiques, ce ne sont malheureusement de moins en moins des gros bois d'œuvre de belle qualité pour faire des meubles de type Buffet Henri II, comme celui qui est chez moi, etc., mais de plus en plus de la plaquette, de plus en plus des petits produits. Alors, prolégomène, donc questionnons tout d'abord le mot forêt. Alors, le mot forêt, eh bien, je vous invite à vous référer à la définition donc modifiée qu'a donnée l'IFN, l'inventaire forestier national, sur le sujet. On ne peut pas aller beaucoup plus loin ici, mais aussi aller en direction donc d'une forêt qui est un outil pour produire, une forêt qui offre des externalités. Or, la forêt jeune offre peu d'externalités, la forêt vieille en offre beaucoup. Autrement dit, tout ce qui est difficile à comptabiliser, mais qui rapporte beaucoup en termes d'intérêt général, par exemple la biodiversité conservée. Et c'est probablement dans les vieilles forêts qu'on va aussi trouver le plus facilement donc, cette synergie du couple eau et forêt. Faudra-t-il encore que je définisse cette notion de vieille forêt ? Alors, les vieilles forêts, normalement, c'est des forêts très anciennes. Moi, je définirais peut-être cela de façon moins extensive en intégrant toutes les forêts qui sont plus que centenaires et qui ne sont pas exploitées. Donc, et j'ajouterai à ça donc, tous les îlots de vieillissement. La forêt, j'ai emprunté à Jean-Paul Amat une définition qu'il avait mise dans son manuel de biogéographie. L'arbre est fait d'eau, d'air et de lumière. Je crois que ça se résume bien ce qu'est un arbre. Enfin, c'est une façon très pédagogique de rassembler la définition de l'arbre. Et cet arbre, il est défini donc par l'IFN. Il est aussi, cet arbre, à l'origine, je vous le rappelle, il est donc une forêt, autrement dit un désert dans lequel en particulier les moines allaient chercher donc la paix pour se rapprocher de Dieu. Il y a un très beau colloque qui vient d'être publié sur les forêts lotharingiennes grâce au financement du Grand-Duché de Luxembourg. Alors, cette forêt, c'est aussi, si on veut faire des choses très simples et très pédagogiques, c'est aussi ce cycle vertueux qui s'inscrit donc pour construire la bonne santé de la forêt avec aggradation, régénération, aggradation, croissance, récolte, mais on peut aussi dépasser ce stade de récolte pour aller vers des forêts qui vont vieillir, voire des forêts qui vont s'effondrer et qui vont retourner à la nécromasse. Je me suis inspiré des travaux de Bernard Vachon, qui est un économiste canadien, pour faire ce cercle, ce cycle. Alors, lorsqu'on ajoute l'adjectif « vieille », que je préfère peut-être à « ancienne » et que en excluant le terme de « primitif » parce que c'est encore autre chose, eh bien, la forêt vieille, donc, c'est une forêt donc, où on va avoir à peu près tous les stades de croissance, où on aura des pyramides des âges variés, où on aura des architectures résilientes, Et je vais vous décevoir en vous disant qu'un certain nombre de forêts nous semblent parfois vieilles et très vieilles, alors qu'aujourd'hui, le balayage LIDAR nous rappelle que ces forêts elles ont été défrichées à un temps donné de leur histoire. C'est le cas, par exemple, de la forêt de Haye, qui est une forêt qui n'existait pas au 3e, 4e siècle. Le balayage LIDAR fait par Madame Leroy va dans ce sens-là et explique cela. Alors, il y a aussi des très vieilles forêts. Certaines sont même exceptionnellement connues. Je pense à la forêt de Białowieża. Alors, vous la connaissez un peu de nom. Et puis, vous connaissez aussi peut-être, pour les amateurs, donc la Zubrovka, autrement dit, la vodka qui est faite avec l'herbe de bison qui est à l'intérieur. Et ça, ce sont les trésors des forêts anciennes. Alors, des forêts anciennes, eh bien, j'essaie d'en donner quelques illustrations. Je n'ai pas été très loin pour chercher. Je suis allé à Sillegny, qui est donc au sud de Metz, où vous avez une très belle église avec des fresques. Et voilà donc l'image que l'on a de la forêt ancienne, une forêt donc claire, une forêt avec beaucoup d'herbes, beaucoup des strates très variées. Et puis à côté, eh bien, j'ai mis les forêts de nos enfances, qui sont les forêts de nos contes. Vous pouvez aussi faire le parallèle avec le très beau livre qui vient de sortir sur le loup, une histoire culturelle, qui est également un beau livre à consulter. Alors, ces forêts anciennes, on a souvent été bercées par l'image des récits hagiographiques, autrement dit les récits des Vitsins, qui nous présentaient des forêts dangereuses, des forêts avec des aurochs, etc., etc. Et puis, on a aussi quantité de livres d'heures qui nous présentent ces forêts anciennes, telles qu'elles pouvaient être au Moyen-Âge, avec ici, entre autres, le Laglandais, autrement dit le mois de novembre, dans les Richesseurs du Duc de Berry. Ou bien encore ici, Claude Gelée, une forêt qui me rappelle un peu le sud du Maroc quand je suis allé voir les forêts d'Arganier qui étaient mangées par les chèvres. Ici, vous avez un paysage donc, qui ressemble un peu à cela. Et puis les animaux donc, de cette forêt ancienne qui reviennent. Ici, le loup, alors c'est une belle statue que vous trouvez à Ciré-sur-Vezouze. j'ai mis en parallèle donc la référence à Michel Pastoureau, l'ouvrage sur le loup que je viens de vous citer tout de suite. Alors, jeune forêt, ça c'est encore plus délicat à définir. Je parle ici pour un public non spécialiste, hein, parce que dès qu'on rentre dans des questions de vieille et de nouvelle forêt, pour un public plus spécialiste, ça devient très technique, hein. Là, je fais de la vulgarisation. Jeune forêt, c'est encore bien difficile également à définir, hein, puisque la forêt, nécessairement, elle vieillit. Nous, on était jeunes, pour un certain nombre d'entre nous, il y a 40 ans ou 50 ans, et on l'aime beaucoup moins aujourd'hui. Eh bien, la forêt, c'est la même chose, hein. Et je vous donne ici donc, des statistiques pour le Grand Est qui vous montrent, hein, l'évolution, si vous voulez, de la dynamique forestière et l'évolution de ce qui peut être considéré comme vieille ou comme nouvelle forêt. On peut faire le parallèle avec ce que Monsieur Dupois, Jean-Luc Dupois a fait à partir de la carte de Cassini, en collant la carte de Cassini à l'actuelle pour voir où sont les vieilles forêts, justement, les cœurs forestiers. Alors, les plus visibles de ces nouvelles forêts, ce sont des forêts qui ont grandi en lisière de forêt, en particulier là où il y avait autrefois des vignes qui ont été abandonnées, là dans les vallées vosgiennes, là où on a fermé les vallées. Hein, et ces nouvelles forêts commencent à vieillir, hein, puisque beaucoup sont nées après 1947, et puis beaucoup sont en train de disparaître, et le coup de vent, enfin plutôt la grande tempête de décembre 1999 a aidé à cela. Et là, on est chez mes ancêtres à Mortagne, et on voit que bien, les parties agricoles de ce terroir de Mortagne, qui se situe entre Bruyères et Robertvillers, eh bien, il forme des enclaves qui sont totalement fermées aujourd'hui. La forêt a tout repris. Et cette forêt n'est plus si jeune que ça. Donc, forêts récentes, aujourd'hui, elles sont moins nombreuses que par un passé récent, parce que, eh bien, aujourd'hui, les progrès de l'agriculture font que beaucoup de terres peuvent être de nouveau défrichées, deviennent arables, et que les terres marginales de montagne qui étaient pentues, etc., sont reboisées depuis un certain temps, à l'initiative de Marius Vazeille, par exemple, pour le Massif central. Alors, on peut, par contre, peut-être donner une approche plus extensive de la notion de forêt en intégrant tout ce qui est aujourd'hui plantation, aulnaies, par exemple, hein, peupleraies, bambouseraies, etc., qui sont peut-être, enfin, qui répondent à la filière bois d'aujourd'hui, hein, et qui sont qui ont un profil hybride, si vous voulez, entre forêt et agriculture. Alors, des jeunes forêts, en négatif ou en complément de la SAU, je cite ici le sénateur Gremillet, tant qu'il était encore à la Chambre d'agriculture des Vosges, donc il y a une dizaine d'années, « Le monde agricole doit maintenant répondre à une demande de production énergétique et se placer dans un complément efficace de la filière bois énergie en forêt ». Bien oui, c'est toutes ces nouvelles formations qui sont, je dirais, hybrides entre forêt et agriculture, hein. Et j'ai mis en parallèle donc quelque chose de beaucoup plus ancien, c'est le manuel de Paul Ergot, sous-préfet de Toul, qui a fait un manuel de reboisement juste avant la guerre de 14, et qui préconisait donc à l'époque de reboiser les terres agricoles qui étaient inoccupées ou qui étaient abandonnées suite à l'exode rural. Le malheureux Ergot a été tué en faisant une visite sur le front alors qu'il était sous-préfet. Un sujet donc qui est aujourd'hui rééclairé par plusieurs entrées, hein, pour notre avenir à tous. En particulier, il est rééclairé par l'usage du LIDAR, hein, qui permet entre autres de savoir s'il y a eu forêt ou pas à tel endroit il y a 5 siècles ou 20 siècles. C'était le cas avec la forêt de haies. Et puis un couple vieille-nouvelle forêt qui est aujourd'hui arbitré donc par la notion d'habitat, de biodiversité. Alors, c'est un sujet qui est d'actualité. J'ai repris dans l'Est républicain ici une petite image d'une main avec justement, hein, ce qui va être replanté. Et puis, l'affiche d'un colloque, 19 mars 2019, on ne peut pas être plus d'actualité, hein, dernière innovation sur les plantations forestières. Donc, le sujet reste d'actualité. La dynamique forestière interroge donc aujourd'hui tous les pas de temps. on peut s'interroger sur vieille et nouvelle forêt en reprenant tous les pas de temps, le pas de temps très long avec le LIDAR, ce que j'ai évoqué, les grands travaux de RTM de restauration de terrains de montagne à partir de 1860. Et aujourd'hui, ces nouvelles forêts sont des vieilles forêts, hein, des forêts sur le retour, des forêts qui mériteraient bien entendu d'être réactualisées. Hein. Et puis, les travaux sur la zone rouge, hein, en particulier les travaux donc, de Jean-Paul Amat, qui va me succéder tout à l'heure, donc, et puis les travaux de Rémi de Matos Machado, qui est une très belle thèse toute neuve qui vient de sortir et que vous pourrez retrouver dans HAL, autrement dit, dans les archives libres de l'université, hein, un très beau sujet. Et puis, c'est aussi ces nouvelles forêts, eh bien, les agides qui ont été plantées par nos grands-parents et qui, maintenant, commencent à être des vieilles forêts. Et puis, toutes les formes de recul actuel forestier. Parce que la forêt recule dans maints endroits aussi aujourd'hui, quand les terres sont planes, faciles à cultiver, facilement mécanisé, terre arable. Voilà ici une image qui vous montre le résultat du LIDAR au niveau donc de la forêt de haies. Ce sont les travaux de Madame Leroy que j'ai signalé déjà, hein, et des travaux qui rappellent que le groseillier était et est encore présent, donc, alors que les finages antiques eh bien, ont disparu depuis au moins 16 siècles. Et puis, eh bien, dans les nouvelles forêts qui sont devenues des vieilles forêts, vous avez aussi tous les reboisements de champagne qui sont presque entièrement disparus aujourd'hui. Hein, ça, c'est devenu quasiment rarissime. Les forêts donc, liées à la zone rouge, avec ici donc, le village de Fliré, hein. Et puis un petit clin d'œil en direction de quelqu'un qui est ici présent aussi sur le site, qui n'est pas là, mais c'est Monsieur Vernier qui a fait un très beau travail sur les plantes obsidionales, donc dans ces vieilles et nouvelles forêts. Avec un peu de poésie, en reprenant ici le tableau de Valoton, hein, qui est peintre des armées et qui va peindre ce ravin de la Bollante. Alors c'est en 1917. Oui, 1917, hein, voilà. Et qui vous donne une idée, alors M. Steinbach va en parler aussi tout à l'heure, qui va vous donner une idée sur la destruction de ces forêts. Ces forêts, principalement quand il s'agit de vieilles forêts, peuvent appartenir au réseau Natura 2000, sont des habitats inféodés pour quantité de bêtes et de bestioles de toutes sortes, de l'infiniment petit au relativement grand, hein. On n'est pas dans le Paris de Pascal, mais presque. Et puis avec quelques bestioles qui sont très à la mode et très connues, plus connues que vues. Hein. Moi, je n'ai encore jamais vu de tétra. Hein. Il n'y a que quand il chante qu'il se montre. Donc, c'est voilà. Le tétra. Et puis, bien, les vieilles forêts, quand elles sont sur le retour, elles finissent par s'effondrer, par tomber. Ici, vous êtes sur le chemin des roches au niveau de la Schlourte, et on voit donc le retour à la nécromasse, autrement dit la transformation du bois par toute une série de xylophages qui sont eux-mêmes inféodés comme nourriture pour toute une série de petits oiseaux, dont un des plus connus est classé européen, un classement européen, c'est le fameux gobe-mouche à collier du Rommersberg. Entre autres, voilà. Alors, on est bien entre économie et écologie, on est bien entre intérêt général et conservation de la planète quand on pose ces questions que je brasse de façon extrêmement rapide ici. Hein. Il faut essayer de faire cohabiter tous ces modèles, il faut essayer de les hiérarchiser, de voir les intérêts qu'ils nous offrent et les externalités qu'ils nous offrent, parce que les intérêts comptables, on sait très bien faire ça, les externalités, on sait beaucoup moins bien le faire, hein, à décliner donc dans toute une série de solutions. J'en montre ici quelques-unes. Les temps emboîtés, linéaires, rompus ou bifurqués, l'écologie et les habitats, les paysages, amènes, résilients, résistants, avec toutes les tempêtes qui se succèdent depuis une quarantaine d'années, c'est quelque chose d'important. Et puis, on est toujours aussi dans une question d'économie et de filière bois. Hein. Je citais tout à l'heure la thèse de l'anglais L-E-N-G-L-E-T, hein, Jonathan Langlais, c'est tout à fait intéressant. Alors, le couple vieille forêt, nouvelle forêt s'inscrit dans les créneaux industriels, du moins essentiellement nouvelle forêt. Hein. en sachant que l'industrie du bois a beaucoup changé au niveau du séchage, du rabotage, hein, au niveau de la valorisation des déchets, au niveau des inventions, et en particulier de l'inventivité liée aux lamellés collés, hein, au niveau des matériaux résistants, au niveau de la RT, réglementation thermique 2012 et 2018, qui modifie totalement l'utilisation du bois, hein, qui relance l'industrie du bois, hein, et du bois, et surtout du petit bois, hein. Sachant qu'il faut tout de même aussi conserver, qu'il y a quand même aussi des niches qui sont conservées pour les bois d'œuvre de grande qualité. Je pense en particulier à tout ce qui est fabrique de tonneaux, tout ce qui est futaille, tout ce qui est marqueterie, tout ce qui est violon, etc. Mais dans la consommation de tous les jours, bien le meuble, toutes ces choses-là sont des choses qui sont beaucoup moins importantes qu'avant. Voilà les nouvelles utilisations du bois. On les voit ici avec les productions de l'Enstib à Épinal, ou encore à côté, hein, les décors donc de Beaubourg. On est bien dans des recherches architecturales liées aux lamellés collés. On a aussi de plus en plus de bois qui est du bois donc de jeunes forêts exploitées pour faire du calage, pour faire des palettes, pour faire etc. On en consomme de plus en plus par tête d'habitant à l'échelle de la planète. Et le bois est devenu un pondéreux comme un autre qui circule à l'échelle de la planète. Le bois lorrain, à partir de 1999, est parti majoritairement en Chine. Tout le monde sait ça aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il faut de nouveau redévelopper les jeunes forêts? C'est ce que nous dicte l'économie. Faut-il relancer le taillis pur? C'est ce que préconise un certain nombre de travaux de recherche dictés par l'économie. Ce qui veut dire qu'il y a un raccourci entre le taillis pur, donc on pourrait relancer, et une image ancienne qui est ici celle de Jacquemin, qui nous montre le bois de taillis qui sert de bois de chauffage dans les affouages dans les années 50. Les médias nous montrent une planète qui est verte, mais on évoque en général assez peu ce sujet du couple vieille-nouvelle forêt. On met du vert un peu partout, on met du bleu un peu partout, on parle de trame verte et bleue, on parle de Grenelle 2, on parle de label CO2, etc. Mais le grand public est encore assez peu investi dans ces sujets, qui sont des sujets, il faut le dire, techniques. La filière bois-papier aujourd'hui fait deux choix. Pour une part, elle utilise des petits bois, les bois de titulation que vous avez là, débardés en bord de route. Ceux qui sont venus depuis Danemarie ont vu toute une série de bois qui étaient mis en bord de route, justement, et qui sont des bois de trituration, des petits bois. Mais il y a aussi de plus en plus de papeteries qui n'utilisent pas de pâte à papier locale et utilisent de la pâte canadienne qui est simplement trempée ici. C'est le cas en particulier donc de Clairefontaine. Donc Norske, qui vient d'être racheté par Ocean Wood en 2018, continue à peu près à récolter 600 000 mètres cubes par an, ici en Lorraine. Alors, pour tout le monde, eh bien, je crois que la solution citoyenne, enfin pour les propriétaires forestiers, la solution citoyenne, c'est peut-être d'inventer dans sa propriété un îlot de vieillissement. Celui qui a lancé cette idée-là, enfin, un de ceux qui a lancé cette idée-là dans la revue forestière française, c'était Robin de Gron, qui, en 1999, avait eu à aménager la forêt du Robertsberg, qui est une forêt qui était délicate à aménager. Elle est en bord de l'Indre. Elle était habitée par le gobe-mouche à collier, donc il fallait pouvoir trouver un mode de sylviculture qui intègre de la production de nécromasse, autrement dit de bois mort, etc., pour que le gobe-mouche soit lui-même nourri par les xylophages. Et son agilité et sa compétence ont fait mouche, et aujourd'hui, eh bien, dans beaucoup d'endroits, on essaye de mettre en place donc ces îlots de vieillissement, qui sont donc une réponse citoyenne, individuelle, parce qu'on a toujours l'impression d'être dominé par la planète, de ne pas savoir ce qu'il faut faire. Bien là, voilà une solution qui est pratique et qu'on peut faire. C'est cela. Pour terminer, pour élargir le sujet, je montre ici trois approches patrimoniales des forêts à trois échelles. Je reprends ici la grille qu'un géographe avait mis en place. On peut avoir un lieu attribut, par exemple, on peut avoir un arbre ou une trochée d'arbres exceptionnels, vieillissantes, qui sont des lieux protégés. On peut avoir un lieu générique, la forêt, par exemple, de Verdun peut être considérée comme un espace générique. Et puis, on peut avoir un lieu de condensation, c'est-à-dire un lieu qui soit beaucoup plus grand, comme la ligne bleue des Vosges. C'est une piste de travail parmi d'autres. Pour prolonger le sujet, je dirais que ce sujet est un vrai sujet de recherche. Ici, j'ai fait une présentation de vulgarisation, mais c'est un vrai sujet de recherche, un sujet quand même très technique, très complexe, où les disciplines ont parfois du mal quand même à se rencontrer, et c'est aussi un sujet d'aménagement du territoire, c'est-à-dire un sujet qui doit être aussi porté par les collectivités, en particulier à l'échelle pertinente du pays. Le pays d'Épinal, par exemple, s'est beaucoup, beaucoup intéressé à la promotion du être, dans un contexte qui est difficile aujourd'hui. Et puis, c'est aussi l'affaire du CRIT, autrement dit d'une structure de recherche sur le bois et sur la recherche appliquée, qu'est-ce qu'on peut faire du bois après. Et c'est aussi une question, donc une affaire de propriétaires forestiers, en particulier propriétaires forestiers privés, ici par exemple Forêt et Bois de l'Est. Enfin, c'est une affaire de recherche avec toute une série donc, de structures. Il y a l'Arbre, par exemple, au niveau de l'Université de Lorraine et de l'INRA, mais il y a aussi JPPLOR, CRPF, enfin, il y a toute une série de structures qui s'impliquent dans ces problèmes de recherche théorique ou appliquée. Et je disais, pour terminer, parce qu'après tout, il y a peut-être des gens qui peuvent être sollicités, sensibles à cela, ça peut être aussi le sujet pour mettre le pied à l'étrier à un étudiant et lui proposer une thèse CIFRE, autrement dit une thèse cofinancée par une structure et l'université pour travailler sur ces questions-là. C'est une belle avancée. Pour terminer, je fais peut-être un petit clin d'œil en direction de François-Xavier Drouet qui vient de sortir un film sur le temps des forêts, et où il interroge en particulier toute une série de gens, y compris des gens qui sont des alternatifs forestiers, comme Gaëtan Dubus. Et pour terminer, je laisserai la parole à trois personnes qui ont vécu à trois temps différents. Tout d'abord, Hubert Reeves, la forêt nous enseigne à regarder la vie sous un angle dynamique. Et puis aussi, c'était allemand, donc Peter Wollen, qui a écrit La vie secrète des arbres. Ça a été un best-seller il y a un ou deux ans. Et puis aussi, je termine par un homme beaucoup plus ancien, puisque c'est l'abbé ici. L'abbé de Moyenmoutier qui nous dit « Le bois est certainement une des plus admirables productions de la nature. Il est si utile aux hommes et en particulier si nécessaire à la société en général qu'on doit le regarder comme une des plus importantes choses de l'univers. » Voilà, je vous remercie.